Section 6 de Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Livre 2, Mort et funérailles du prince. Chapitre 1er. Monseigneur le duc de Berry est blessé à l'opéra. Ce n'est pas la première fois que le sang chrétien a coulé dans ces spectacles, que l'Église appelle le petit paganisme, dans ces jours gras consacrés aux vieillards portant la faux. Untis falciferi senis diebus, martial épigramme. C'est pour les fidèles une tradition des jeux de l'amphithéâtre, un héritage du martyr. Le dimanche 13 février, Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse de Berry allèrent à l'opéra, où les danses et les jeux étaient appropriés aux folies de ce temps de l'année. Ils profitèrent d'un entr'acte pour visiter, dans leur loge, Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse d'Orléans. Monseigneur le Duc de Berry caressa les enfants et joua avec le petit Duc de Chartres. Témoin de cette union des princes, le public applaudit à diverses reprises. Madame la Duchesse de Berry, en retournant à sa loge, fut heurtée par la porte d'une autre loge qui vint à s'ouvrir. Bientôt, elle se trouva fatiguée et voulut se retirer. Il était 11 heures moins quelques minutes. Monseigneur le Duc de Berry la reconduisit à sa voiture, comptant rentrer ensuite au spectacle. Le carrosse de Madame la Duchesse de Berry s'était approché de la porte. Les hommes de garde étaient restés dans l'intérieur. Depuis longtemps, le prince ne souffrait pas qu'ils sortissent. Un seul, en faction, présentait les armes et tournait le dos à la rue de Richelieu. Monsieur le comte de Choiseul, aide de camp de Monseigneur, était à la droite du factionnaire, au coin de la porte d'entrée, tournant également le dos à la rue de Richelieu. Monsieur le comte de Ménard, premier écuyer de Madame la Duchesse de Berry, lui donna la main gauche pour monter dans son carrosse, ainsi qu'à Madame la Comtesse de Béthisy. Monseigneur le Duc de Berry leur donnait la main droite. Monsieur le comte de Clermont-Lodève, gentilhomme d'honneur du prince, était derrière le prince, attendant que son Altesse royale rentrât pour le suivre ou le précéder. Alors un homme, venant du côté de la rue de Richelieu, passe rapidement entre le factionnaire et un valet de pied qui relevait le marchepied du carrosse. Il heurte ce dernier, se jette sur le prince, au moment où celui-ci, se retournant pour rentrer à l'opéra, disait à Madame la Duchesse de Berry « Adieu, nous nous reverrons bientôt ». L'assassin, appuyant la main gauche sur l'épaule gauche du prince, le frappe de la main droite au côté droit, un peu au-dessus du sein. Monsieur le comte de Choiseul, prenant ce misérable pour un homme qui en rencontre un autre en courant, le repousse en lui disant « Prenez donc garde à ce que vous faites ». Ce qu'il avait fait était fait. Poussé par l'assassin sur Monsieur le comte de Ménard, le prince porta la main sur le côté où il n'avait cru recevoir qu'une contusion. Et tout à coup, il dit « Je suis assassiné. Cet homme m'a tué. »« Seriez-vous blessé, Monseigneur ?» s'écrie le comte de Ménard. Et le prince réplique d'une voix forte « Je suis mort. Je suis mort. Je tiens le poignard. » Au premier cri du prince, messieurs de Clermont et de Choiseul, le factionnaire, nommé Débiez, un des valets de pied, plusieurs autres personnes avaient couru après l'assassin qui s'était enfui par la rue de Richelieu. Madame la Duchesse de Berry, dont le carrosse n'était pas encore parti, entend la voix de son mari et veut se précipiter par la portière qu'on en trouve. Madame la Comtesse de Béthisy la retient par sa robe. Un des deux valets de pied l'arrête pour l'aider à descendre. Mais elle, s'écriant « Laissez-moi, je vous ordonne de me laisser !» s'élance, au péril de sa vie, par-dessus le marchepied de la voiture. Le prince s'efforçait de lui dire de loin « Ne descendez pas !» Suivie de Madame la Comtesse de Béthisy, elle court à Monseigneur que soutenait Monsieur le Comte de Ménard, Monsieur le Comte de Clermont et plusieurs valets de pied. Le prince avait retiré le couteau de son sein et l'avait donné à Monsieur de Ménard, l'ami de son exil. Dans le passage où se tenait la garde, il y avait un banc. On assit Monseigneur le Duc de Berry sur ce banc, la tête appuyée contre le mur, et l'on ouvrit ses habits pour découvrir la blessure. Elle rendait beaucoup de sang. Alors le prince dit de nouveau « Je suis mort. Un prêtre. Venez, ma femme, que je meure dans vos bras. » Une défaillance survint. La jeune princesse se précipita sur son mari et dans un instant, ses habits de fête furent couverts de sang. L'assassin, déjà arrêté par un garçon de café nommé Paulmier, par le factionnaire Desbiez, chasseur au 4e régiment de la garde royale, et ensuite par les sieurs David, Lavigne et Bolland, gendarmes, avait été amené à la porte où il avait commis son crime. Les soldats l'entouraient, il était à craindre qu'ils ne le massacrassent. Monsieur le comte de Ménard leur cria de ne pas le toucher. Monsieur le comte de Clermont donna l'ordre de le conduire au corps de garde et l'y suivit. On le fouilla, on trouva sur lui un autre poignard avec sa gaine et la gaine du poignard laissée dans la blessure. Ces objets furent donnés à monsieur le comte de Clermont qui les remit à monsieur le comte de Ménard. Chapitre 2. Premier pansement du prince. Tandis que monseigneur le duc de Berry était assis sur le banc dans le passage, monsieur le comte de Choiseul, un valet de pied, un ouvreur de loge, avait couru pour chercher un médecin. On leur avait indiqué le docteur Blancheton. Il demeurait dans le voisinage et vint à l'instant même. Monsieur Drogard, chirurgien, l'avait précédé. Ces deux hommes de l'art trouvèrent monseigneur le duc de Berry dans le petit salon de sa loge où il avait été porté. En entrant dans ce salon, le prince, qui avait repris sa connaissance, demanda si le coupable était un étranger. On lui répondit que non. « Il est cruel, dit le fils de France, de mourir de la main d'un Français. » Madame la duchesse de Berry s'adressa au docteur Blancheton pour connaître la vérité, promettant de la supporter avec courage. Il répondit que le prince, n'ayant pas rendu de sang par la bouche, c'était un favorable augure. Monsieur Blancheton crut d'abord que la plaie était au bas-ventre, où il trouva une grande quantité de sang épanché, mais il reconnut bientôt qu'elle était au-dessous du sein droit. Il la dégagea du sang caillé et fit saigner le prince, au bras droit, par Monsieur Drogard. Monseigneur recouvra alors assez de force pour dire aux deux médecins « Je suis bien sensible à vos soins, mais ils sont inutiles, je suis perdu. » Monsieur Blancheton essaya de lui persuader que la blessure n'était pas profonde. « Je ne me fais pas illusion, » repartit le prince. « Le poignard est entré jusqu'à la garde, je puis vous l'assurer. » Madame la duchesse de Berry arracha sa ceinture pour servir de bandage et d'appareil. Elle seule avait conservé sa présence d'esprit dans ce moment affreux et déployait un caractère au-dessus des âmes communes. Le prince, dont la vue s'obscurcissait, disait de temps en temps « Ma femme, êtes-vous là ?»« Oui, » répondait la princesse en essuyant ses pleurs. « Oui, je suis là, je ne vous quitterai jamais. » Monsieur Bougon, premier chirurgien ordinaire de monsieur, instruit du malheur par monsieur Esquirol, médecin de la Salpêtrière, se rendit en hâte auprès de monseigneur le duc de Berry. Le docteur de la Croix venait d'arriver de son côté. Le prince reconnut monsieur Bougon qu'il avait suivi à Gand et qui avait espéré lui donner ses soins sur un autre champ de bataille. « Mon cher Bougon, lui dit-il, je suis frappé à mort. » En attendant l'application des ventouses, le dévoué serviteur d'un si bon maître suça la blessure à diverses reprises. « Que faites-vous, mon ami ? Dit le royal patient. « La plaie est peut-être empoisonnée. » Chapitre 3. Arrivée de Monseigneur l'évêque de Chartres, de Monseigneur le duc d'Angoulême, de Madame et de Monsieur. Second pansement de la blessure. Monseigneur le duc de Berry n'avait cessé de demander un prêtre. Monsieur le comte de Clermont était parti pour les Tuileries, d'où il ramena Monseigneur l'évêque de Chartres, confident d'une conscience qui n'a rien à cacher à la terre. Le prélat, accoutumé à admirer le père, venait s'instruire auprès du fils. Il trouva le prince dans le cabinet de sa loge, assis dans un fauteuil, soutenu par ses gens et entouré de chirurgiens. Il avait toute sa connaissance. Le blessé tendit la main au respectable évêque, demanda les secours de la religion en exprimant les plus vifs sentiments de foi, de repentir et de résignation. Monseigneur l'évêque de Chartres exhorta Monseigneur le duc de Berry à la confiance en Dieu. Il lui demanda un acte général de contrition afin de pouvoir l'absoudre, calmer ses inquiétudes et attendre le moment où il serait possible à son Altesse royale de faire une confession plus détaillée. Monsieur le comte de Ménard, se flattant encore que la blessure n'était pas mortelle, était allé chercher Monseigneur le duc d'Angoulême. Ce prince, qui venait de se coucher, s'habilla à la hâte et se rendit au lieu de douleur. L'entrevue des deux frères ne peut s'exprimer. Monseigneur le duc d'Angoulême se jeta sur la plaie de Monseigneur le duc de Berry, en la baisant et en l'inondant de ses larmes. Ses sanglots l'étouffaient. Son malheureux frère était également incapable de parler. Tout ceci se passait dans le petit salon de la loge. On résolut alors de porter le prince, dans une pièce voisine, où l'on établit une espèce de lit sur 4 chaises, que l'on remplaça par un lit de sangle. Monseigneur le duc d'Angoulême, craignant quelque nouveau danger, n'avait pas permis à madame de l'accompagner lorsqu'il s'était rendu à l'opéra, mais madame n'avait pas tardé à le suivre. Que lui importent les périls ? Est-il une douleur qui puisse se passer d'elle ? Une adversité qui l'ait jamais fait reculer ? Madame est accoutumée à regarder la Révolution en face. Ce n'était pas la première fois que la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette prenait soin d'un frère mourant. Bientôt monsieur arrive. Il faut connaître la bonté, la tendresse, le cœur paternel de ce prince pour savoir ce qu'il eut à souffrir. Monsieur s'était obstiné à venir seul. Mais il ne savait pas qu'un de ses meilleurs serviteurs, monsieur le duc de Maillé, avait trouvé moyen de l'accompagner et de faire la place de l'honneur de la place la moins honorée. Monseigneur le duc de Berry témoigna le désir de donner sa bénédiction à mademoiselle. Elle lui fut apportée par madame la vicomtesse de Gontaut. Alors le prince, levant une main défaillante sur sa fille, « Pauvre enfant, lui dit-il, je souhaite que tu sois moins malheureuse que ceux de ma famille. » Monseigneur le duc d'Orléans, madame la duchesse d'Orléans, mademoiselle d'Orléans, qui s'étaient rencontrées au spectacle, n'avaient pas quitté le prince. Le père du duc d'Enghien arriva à son tour. On tenta les saignées de pied presque sans succès, mais plusieurs applications successives des ventouses apportèrent quelque soulagement au prince. Le pouls se ranima, le visage se colora, le sang coula par les veines ouvertes. L'on se réjouit de voir couler ce sang. Monsieur le duc de Maillé et monsieur le comte d'Audenarde étaient allés chercher monsieur Dupuytren. Ce célèbre chirurgien arriva à 1 heure. Quand il entra, il trouva le prince couché sur le côté droit. Sa pâleur, ses traits altérés, sa respiration courte, le gémissement qui s'échappait de sa poitrine, la sueur froide qui couvrait son front, le désordre de ses mouvements, le bouleversement de son lit, le sang qui inondait ce lit, et plus que tout cela, l'horrible blessure qui se présentait à découvert, frappèrent de consternation un homme pourtant accoutumé au spectacle des douleurs humaines. Le prince ne connaissait point M. Dupuytren. Il lui tendit affectueusement la main en lui disant qu'il souffrait cruellement. M. Dupuytren examina la blessure, puis se retira à l'écart pour consulter avec les hommes de l'art, messieurs Blancheton, Drogard, Bougon, Lacroix, Tersin, Cazeneuve, Dubois, Baron, Roux et Fournier, jeune chirurgien qui se fit distinguer par son zèle. On fut d'avis d'élargir la plaie, comme le seul moyen qui resta d'ouvrir une issue au sang épanché dans la poitrine. M. Dupuytren se rapprocha du prince et l'interrogea sur son état. Il ne put en obtenir de réponse. Il pria Madame la Duchesse de Berry de lui adresser quelques questions. La princesse, se penchant sur le lit, dit à son mari « Je vous en prie, mon ami, indiquez-moi l'endroit où vous souffrez. » Le prince se ranima à cette voix si chère, prit la main de sa femme et la posa sur sa poitrine. Madame la Duchesse de Berry reprit « C'est là que vous souffrez ?»« Oui, » répondit-il avec peine, « j'étouffe. » Monsieur voulut éloigner sa fille pendant l'opération. « Mon père, dit-elle, ne me forcez pas à vous désobéir. » Et se tournant vers les gens de l'art, « Messieurs, faites votre devoir. » Pendant l'opération, elle était à genoux, au bord du lit, tenant le prince par la main gauche. Lorsqu'on porta le fer dans la plaie, Monseigneur le duc de Berry s'écria « Laissez-moi, puisque je dois mourir !»« Mon ami, dit sa femme en pleurs, souffrez pour l'amour de moi !» Un mot de cette jeune et admirable princesse apaisait les douleurs de son mari. Et, quand Monseigneur l'évêque de Chartres parlait de religion, tout se changeait dans le malheureux prince, en acte de résignation à la volonté de Dieu. L'opération faite, Monseigneur le duc de Berry passa la main sur les cheveux de la princesse et lui dit « Ma pauvre femme, que vous êtes malheureuse !» On reconnut dans l'opération toute la profondeur de la plaie. Le couteau dont le prince avait été frappé avait 6 à 7 pouces de longueur. La lame en était plate, étroite, à 2 tranchants, comme celle du couteau de Ravaillac, et extrêmement aiguë. Chapitre 4. Diverses paroles du prince. Il annonce la grossesse de Madame la Duchesse de Berry. Le prince avoue une faute. Un moment de calme suivit l'élargissement de la plaie. Les mourants près d'expirer éprouvent presque toujours un soulagement qui leur laisse le temps de jeter un dernier regard sur la vie. C'est le voyageur qui s'assied un instant pour contempler le pays qu'il a parcouru, avant de descendre le revers de la montagne. Le prince tenait la main de M. Dupuytren et le priait de l'avertir lorsqu'il sentirait le pouls remonter ou s'affaisser. Vigilant capitaine, il posait une sentinelle expérimentée pour n'être pas surpris par la mort et pour s'avancer courageusement au-devant de ce grand ennemi. Mors, ubi est victoria tua? Dans cet intervalle de repos, il adressa ses paroles à Madame la Duchesse de Berry. « Mon ami, ne vous laissez pas accabler par la douleur. Ménagez-vous pour l'enfant que vous portez dans votre sein. » Ce peu de mots fit un effet surprenant sur l'assemblée. En présence de la douleur, on sent naître malgré soi un mouvement de joie. L'attendrissement redouble en même temps pour le prince qui laisse à la patrie, pour dernier bienfait, cette dernière espérance. Il s'en va, ce prince. Il semble emporter avec lui toute une monarchie, et à l'instant même, il en annonce un autre. Ô Dieu, feriez-vous sortir notre salut de notre perte même? La mort cruelle d'un fils de France a-t-elle été résolue dans votre colère ou dans votre miséricorde? Est-elle une dernière restauration du trône légitime ou la chute de l'empire de Clovis? Le prince a-t-il fui l'avenir ou est-il allé en solliciter un plus favorable pour nous auprès de celui qui laisse quelquefois désarmer sa colère? Partout où Monseigneur le duc de Berry tournait ses yeux à demi éteints, c'était pour donner une marque de bonté ou de reconnaissance. Tandis que M. Blancheton lui pressait la tête pour comprimer l'horrible douleur qu'il y éprouvait, il aperçut à quelque distance au pied de son lit des domestiques fondant en larmes. « Mon père, dit-il à monsieur, je vous recommande ces braves gens et toute ma maison. » Des vomissements survinrent. Le prince répéta plusieurs fois que le poignard était empoisonné. Quelque temps auparavant, il avait demandé à voir son assassin. « Qu'ai-je fait à cet homme ? Répétait-il. « C'est peut-être un homme que j'ai offensé sans le vouloir. »« Non, mon fils, lui répondit monsieur, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais offensé cet homme. Il n'avait contre vous aucune haine personnelle. »« C'est donc un insensé, repartit le prince. Ô digne enfant de l'Évangile, vous mettiez en pratique le dernier conseil du saint roi de France à son fils. » Joinville, si Dieu t'envoie l'adversité, reçois-la bénignement. » Il s'informait souvent de l'arrivée du roi. « Je n'aurai pas le temps, disait-il, de demander grâce pour la vie de l'homme. » Il ajoutait après, s'adressant tour à tour à son père et à son frère, « Promettez-moi, mon père, promettez-moi, mon frère, de demander au roi la grâce de la vie de l'homme. » On a déjà raconté que Monseigneur le duc de Berry, libre en Angleterre, avait eu une de ces liaisons que la religion réprouve et que la fragilité humaine excuse. On peut dire de lui ce qu'un historien a dit d'Henri IV. Vie du père Coton par le père d'Orléans. Il était souvent faible, mais toujours fidèle, et l'on ne s'aperçut jamais que ses passions eussent affaibli sa religion. Monseigneur le duc de Berry, cherchant en vain dans sa conscience quelque chose de bien coupable et n'y trouvant que quelques faiblesses, voulait pour ainsi dire les rassembler autour de son lit de mort pour justifier au monde la grandeur de son repentir et la rudesse de sa pénitence. Il jugea assez bien de la vertu de sa femme pour lui avouer ses torts et pour lui témoigner le désir d'embrasser les deux innocentes créatures, filles de son long exil. « Qu'on les fasse venir !» s'écria la jeune princesse. « Ce sont aussi mes enfants. » Les deux petites étrangères arrivèrent au bout de trois quarts d'heure. Elles se mirent à genoux, en sanglotant, au bord du lit de leur seigneur, les joues baignées de larmes et les mains jointes. Le prince leur adressa quelques mots tendres en anglais pour leur annoncer sa fin prochaine, leur ordonner d'aimer Dieu, d'être bonnes et de se souvenir de leur malheureux père. Il les bénit, les fit se relever, les embrassa et, adressant la parole à Madame la Duchesse de Berry, « Serez-vous assez bonne, lui dit-il, pour prendre soin de ces orphelines. » La princesse ouvrit ses bras où les petites filles se réfugièrent. Elle les pressa contre son sein et, leur faisant présenter mademoiselle, elle leur dit « Embrassez votre sœur. » « Pauvre Louise !» s'écria alors Monseigneur le duc de Berry en s'adressant à la plus jeune. « Vous ne verrez plus votre père. » On était partagé entre l'attendrissement pour le prince et l'admiration pour la princesse. Madame la vicomtesse de Gontaut, qui n'était pas prévenue, paraissait étonnée. Madame s'en aperçut et lui dit « Elle sait tout. Elle a été sublime. » Chapitre 5. Le prince fait une confession publique et reçoit l'extrême onction. diverses paroles du prince. Cependant, on étendit le prince sur un matelas, à terre, tandis qu'on remuait sa couche. Ce fut là qu'il se confessa d'abord en particulier à Monseigneur l'évêque de Chartres et qu'il fit ensuite, à haute voix, un aveu public de ses fautes. On aurait cru voir Saint-Louis expirant sur son lit de cendres. Il demanda pardon à Dieu de ses offenses et des scandales qu'il avait pu donner. « Mon Dieu, ajouta-t-il, pardonnez-moi, pardonnez à celui qui m'a ôté la vie. » Il demanda ensuite à son père sa bénédiction, Renaud, dans la vie de Philippe le Bel. Lors le doux père remit et pardonna au fils les défauts et courroux, et, avec merveilleuse ferveur de foi, lui donna sa bénédiction, et entre ses saints baisers le salua, et à Dieu le recommanda. Ces princes trouvaient tous les exemples dans leur famille. Le mourant étant remis sur son lit, Monseigneur le duc d'Angoulême se replaça à genoux à ses côtés. « Ah, mon frère, dit le Maccabée chrétien, vous qui êtes un ange sur terre, croyez-vous que Dieu me pardonne ?»« Vous pardonnez, répondit Monseigneur le duc d'Angoulême, il fait de vous un martyr. » Un rayon de joie parut sur le front du prince mourant. Il ne douta point qu'un frère si pieux ne connût les desseins de la Providence. Il se reposa de son bonheur sur la foi du juste. Alors le curé de Saint-Roch, que M. le comte de Clermont avait été chercher, arriva avec les saintes huiles. Partout où l'on trouve une douleur, on rencontre un prêtre chrétien. Monseigneur le duc de Berry demanda le viatique. L'évêque de Chartres lui dit avec un vif regret que les vomissements s'y opposaient. Le prince se résigna, fit un signe de croix et attendit l'extrême onction. Il commença son confiteor et frappa comme un coupable d'une main pénitente ce sein que le poignard semblait n'avoir ouvert que pour en faire sortir les innocents secrets, et d'où il ne s'écoulait que des vertus avec le sang de Saint-Louis. Le prince voyait s'approcher sa dernière heure. Il ressentait des douleurs cruelles et tombait à tout moment en défaillance. On l'entendait répéter à voix basse « Que je souffre, que cette nuit est longue, le roi vient-il » Il appelait souvent son père. Et son père, étouffant ses sanglots, lui disait « Je suis là, mon ami ». On lui apprit que les maréchaux étaient arrivés. « J'espérais, répondit-il, verser mon sang au milieu d'eux pour la France. » Dévoré d'une soif ardente, il ne buvait qu'un regret, et seulement pour se soutenir jusqu'à l'arrivée du roi. On lui annonça M. de Nantouillet. « Viens, mon bon Nantouillet, mon vieil ami » s'écria-t-il en faisant un effort, « que je t'embrasse encore une fois ». Le vieil ami se précipita sur la main du prince et sentit amèrement l'impuissance de l'homme à racheter de ses jours les jours qu'il voudrait sauver. Les compagnons de M. de Nantouillet, M. le comte de Chabot, M. le marquis de Coigny, M. le comte de Brissac, M. le vicomte de Montélégier, M. le comte de Beaufremont étaient accourus. Ils se pressaient autour de leur prince expirant, comme il l'aurait environné au champ d'honneur. Leur douleur était partagée par les autres loyaux serviteurs attachés au reste de la famille royale. M. le marquis de la Tour Maubourg se tint constamment debout au pied du lit de Monseigneur le duc de Berry. Ce guerrier, qui avait laissé une partie de son corps sur les champs de bataille, était là comme un noble témoin envoyé par l'armée pour assister au dernier combat d'un héros. Nuit d'épouvante et de plaisir, nuit de vertu et de crime. Lorsque le fils de France blessé avait été porté dans le cabinet de sa loge, le spectacle durait encore. D'un côté, on entendait les sons de la musique, de l'autre, les soupirs du prince expirant. Un rideau séparait les folies du monde de la destruction d'un empire. Le prêtre, qui apporta les saintes huiles, traversa une troupe de masques. Soldat du Christ, armé pour ainsi dire de Dieu, il emporta d'assaut l'asile dont l'Église lui interdisait l'entrée, et vint, le crucifix à la main, délivrait un captif dans la prison de l'ennemi. Une autre scène se passait près de là. On interrogeait l'assassin. Il déclarait son nom, s'applaudissait de son crime. Il déclarait qu'il avait frappé Monseigneur le duc de Berry pour tuer en lui toute sa race. Que si lui, meurtrier, s'était échappé, il serait allé se coucher, et que le lendemain, il eût renouvelé son attentat sur la personne de Monseigneur le duc d'Angoulême. Se coucher pour dormir! « Malheureux! Votre bienveillante victime avait-elle jamais troublé votre sommeil ?» Dans la suite de son interrogatoire, cette brute féroce, sans attachement même sur la terre, a déclaré que Dieu n'était qu'un mot, qu'elle n'avait d'autre regret que de n'avoir pas sacrifié toute la famille royale. et le prince expirant, plein de tendresse et d'amour, n'a d'autre regret que de ne pouvoir sauver la vie de son meurtrier. Il n'accuse personne, et sa rigueur ne tombe que sur lui-même. Ce prince, qui sait que Dieu n'est pas un mot, tremble de comparaître au tribunal suprême. Le martyr lui ouvre les portes du ciel. Il ne se croit pas assez pur pour aller rejoindre le saint roi et le roi martyr. Il ne peut trouver, dans son innocence, l'assurance que l'assassin trouve dans son crime. Voilà les hommes tels que la Révolution les a faits, et tels que la religion les faisait autrefois. Chapitre 6. Arrivée du roi, le prince demande la grâce de son assassin. La foule s'était écoulée du spectacle. Le plaisir avait cédé la place à la douleur. Les rues devenaient désertes. Le silence croissait. On n'entendait plus que le bruit des gardes et celui de l'arrivée des personnes de la cour. Les unes, surprises au milieu des plaisirs, accouraient en habit de fête. Les autres, réveillées au milieu de la nuit, se présentaient dans le plus grand désordre. Çà et là se glissaient quelques obscurs amis des Bourbons qu'on ne voit point dans les temps de la prospérité et qui se retrouvent, on ne sait comment, au jour du malheur. Les passages conduisant à l'appartement du prince étaient remplis. On se pressait à ces mêmes portes où l'on s'étouffe pour rire ou pour pleurer aux fictions de la scène. On cherchait à découvrir quelque chose lorsque les portes venaient à s'ouvrir. On interrogeait ses voisins et, par des nouvelles subitement affirmées, subitement démenties, on passait de la crainte à l'espérance, de l'espérance au désespoir. 3 bulletins avaient été portés aux Tuileries. À 5 heures, le roi arriva. On l'avait toujours rassuré sur la position du prince. Le mourant, qui avait entendu le bruit des chevaux dans la rue, parut revivre. Le roi entra. « Mon oncle, dit aussitôt Monseigneur le duc de Berry, donnez-moi votre main, que je la baise, pour la dernière fois. » Le roi s'avança. Son visage exprimait cette majestueuse douleur que ressentit Louis XIV lorsqu'il vit l'espoir de la monarchie reposer sur la tête d'un enfant. Il donna sa main à baiser à son neveu et baisa lui-même celle du prince infortuné. Alors, Monseigneur le duc de Berry dit au roi, « Mon oncle, je vous demande la grâce de la vie de l'homme. » Le roi, profondément ému, répondit, « Mon neveu, vous n'êtes pas aussi mal que vous le pensez. Nous en reparlerons. » Le roi ne dit pas oui, reprit le prince en insistant, « Grâce au moins pour la vie de l'homme, afin que je meure tranquille. » Revenant encore sur le même sujet, il disait, « La grâce de la vie de cet homme eut pourtant adouci mes derniers moments. » Enfin, lorsqu'il ne pouvait déjà parler que d'une voix entrecoupée et en mettant un long intervalle entre chaque mot, on l'entendait dire, « Du moins, si j'emportais l'idée que le sang d'un homme ne coulera pas pour moi après ma mort. » Le roi demanda en latin à M. Dupuytren ce qu'il pensait de l'état du prince. M. Dupuytren fit un signe qui ne laissa au monarque aucune espérance. Monseigneur le duc de Berry avait pourtant rassemblé le reste de ses forces sous les yeux du chef de son auguste maison. Le pouls s'était ranimé, la parole était plus libre, l'étouffement moins violent. Le prince s'inquiéta du mal qu'il avait pu faire au roi en troublant son sommeil. Il le supplia de s'aller coucher. « Mon enfant, répondit le roi, j'ai fait ma nuit. Il est 5 heures, je ne quitterai plus. » Le jour, en effet, était venu pour éclairer un si beau trépas. Le prince allait se réveiller parmi les anges au moment où, parmi les hommes, il avait accoutumé de sortir du sommeil. Fin de la section 6.